Bonsoir mesdames et messieurs, vous voici de retour dans la machine à son. Ah, je sens déjà que vous vous sentez mieux, c'est vrai, à distance. Mais oui, on sait tout hein, avec le professeur. Et en plus ce soir on a décidé que on va vous faire plaisir. Dans ce monde quand même moyennement plaisant, on s'est dit notre tâche, il faut leur faire plaisir. Mais vraiment plaisir, pas juste on va vous faire plaisir, non non, on va vous procurer du plaisir ce soir. Alors rassurez-vous, vous pouvez ramener les enfants de leur chambre, ça ira. On va rester évidemment dans des trucs très soft et comme en général dans la machine à son, mais encore plus. En fait, voilà, on va être quand même dans une sorte de symbolique du plaisir, mais vous allez voir, ça va vous gratouiller au fond des oreilles, ça va vous faire, à mon avis, plein de trucs super bizarres, mais voilà, le plaisir. Parce que c'est quand même, voilà, on est quand même là aussi pour se faire plaisir les uns les autres. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Alors, le professeur est déjà à poil. Bon, ben c'est parti. I want a lip, and then I want another lip. I want two lips to kiss me all the time. I want an eye. I want a man, yes, a man who's all in one. We'll put our lips together, close together, and we'll have so much fun. I want to leave. I want a man who calls my name every morning and every night. I'll hang his picture in my private hall of fame, 'cause he's gonna treat me right. I want two lips to kiss me like you're kissing me. Honey, can't you see? Yeah, you're the one for me. Oh yes, you're the one for me. Petit ennui technique, je voulais vous faire un truc terrible. Ça commence vraiment mal. Ah là là, comment je vais faire pour me rattraper ? Je ne sais pas. On va voir. En attendant, voilà, c'est parce que les gens, ils ont touché au bouton. Alors déjà que moi, j'ai du mal avec les boutons. Si en plus les autres les touchent, quoique, il y a certains boutons, ça peut être pas mal là, de les toucher un peu. J'avais bien dit que ça vous gratterait un petit peu dans les oreilles.

Je suis vraiment désolé, là c'est n'importe quoi. À son professeur tout à l'heure, il m'a fait goûter un espèce de gâteau qu'il avait. Je sais pas, il avait un drôle de goût ce machin. Donc voilà, maintenant il va falloir que je m'y remette, que je retrouve le truc. Tricks. Tricks. You got to use tricks. Tricks. Look here. If you want to catch a snake, you use a ratty, and I'm a jack. And if you want to pull off a trick, you use a fox, and I'm a red one. If you want to catch a crook, you use a dog, and I'm a hound. And if you want to keep your woman, you use your brain, and I'm a scientist. Got to have tricks. Tricks. You got to use tricks. Look here, like I said, if you want to use your catch your woman, you use your brain, and I'm a scientist. And if you want to win a race, you use sneakers, and I'm Nike. If you want to fly, you use a plane, and I'm a pilot. Tricks. Tricks. You got to have tricks. Tricks. You got to have tricks. If you wanna get by, you got to use tricks. If you wanna get by, you got to use tricks. You wanna get by. clarté des fontaines, avidement je te boirai. Tu portes mes amours mauves dans la source des prunelles. Écoute, les ajoncs et les plantes vont chanter pour nous deux. La nuit fertile, la plage fraternelle. Nous referons cette cornoaille mortelle. Mélanger concevra tout un pays de fougères et de genêts. Ma belle amie, sur la grève allongée, comme moi désire la mer. Laisse-toi chavirer sous le vent des navires. Dans la laine fragile et puis je te prendrai encore. Tes bras ruisselants de désir serreront la bruyère de mes veines. Je te prendrai dans l'allée des grands chênes. Souterrain, efface la peine des tombeaux. Il faut vaincre la mort au lever du soleil. Chaque matin, prends la vie à belles mains. Dans ton regard, affamé de merveilles, recrée pour moi les paysages que j'aimais. Baby, oh, here she is.

dis pas correctement. Je suis pas français. Vraiment désagréable. 5, 4, 3. Et voici la couleur. J'ai mangé la baguette, les frites, l'omelette. L'omelette, c'est très bon. Tu sais, quand j'arrive à Paris, je ne sais pas comment dire les choses, donc j'ai demandé un omelette. Très simple. Et l'omelette, c'est bon, tu peux pas la tête des vieux. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils mangent le français. Pompon. Mais tu sais, quand j'étais dans le sud, à la France, quelqu'un demandait à acheter une glace pour moi, mais j'ai dit non, je suis riche, je peux acheter mon glace. C'est pas facile, tu sais, quand vous êtes belle comme moi, élégante. Pom pom bidou, pom pom bidou. Mais c'est quoi ça, pom pom bidou? Mais donc pense, mais c'est quoi cette chanson? Je sais pas, il rigole, mais je ne sais pas pourquoi, avec son petit moustache. N'importe quoi. Pom pom bidou. Soixante neuvième étage. labour. On en veut plus, etc. Rien ne vaut le plaisir. Nothing but the devil makes you treat me like you do. I'm gonna break out just like the measles. Girl, I'm gonna be all over you. Oh, let's break it on out now. Thank you. Alors j'adore. Dès que le professeur me remplace, eh ben, c'est la merde. Il se plante de face. Et moi aussi. Arrive à la fin de cette machine à son un peu exténuante. Fera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Donc ce soir vous écoutez les petits grillons de monsieur Bernard Parmigiani, et sinon dans le plus grand désordre, c'est le cas ce soir, vous avez écouté André Williams, après Steven, Jacques Berroca, Levin Stellor, Billy Riley, Don Brance, Bernard Parmigiani, Serge Gainsbourg, mais aussi les Coronados, les Pretty Things, les Doors, l'excellent Xavier Graal et surtout l'excellente Marlies Petersen, Casse Product et les fabuleux Wank et leur machine à masturber. Ce soir ça a un peu tourné dans le vide, oui, en fait. On va réfléchir au professeur à faire un peu d'une autre façon. Donc voilà, bonne nuit, soyez sages ou pas. Et à la semaine prochaine. Hop, même le final est difficile.